crois plus en personne, sauf toi. Sauf toi. Je ne crois plus à rien, parfois. Parfois. Mais que peuvent changer les hommes? Les lois, les lois. Toi tu as changé mon destin mille fois. Tout le monde.